I hear my youthful days running away from me. I hear my youthful days running away from me. And I hear I stand whole before high heavenly. Twenty-5 years in the time it has come. 25 years in the time it has come. Time to party up in the sky. Oh Lord, I'm gone. So you're gonna help me. Oh Lord, help me. So you gonna help me, oh Lord, help me. This fruit's rotting to drop from the branch before it's ripe, baby. So you're gonna help me, oh Lord, help me. So you gonna help me, oh Lord, hang me. Merci beaucoup. Ce morceau suivant était écrit par un personnage, un très grand personnage du siècle dernier. Il s'appelait Jean-Paul JP pour nous, parce qu'on était assez proche de lui, j'imagine la plupart de nous, comme moi. C'était le pape, en fait. Et avant d'être pape, JP, il était comme nous tous. Il était... cardinal. Voilà. Et en étant cardinal, comme nous tous, bien sûr, il n'avait pas d'accès à la papa mobile. Ça vous fait rire? Un jour, en se déplaçant à une église à une autre, parce qu'il était à pied, bien sûr. Dieu lui a envoyé cette chanson qui est nommée The Mean Old Walking Blues.